Bonjour, mon nom est Georges. Oui, je m'appelle Georges. Mon nom est Georges et je suis Georges car je me nomme Georges. Écoutez bien cette chanson qui dit mon nom. Mon nom est Georges. Je m'appelle Georges. Mon nom est Georges et je suis Georges car je me nomme Georges. Je suis vendeur de soutien-gorge. J'aime bien ma job. Mon nom est Georges. Je m'appelle Georges. Mon nom est Georges. Et je suis Georges car je me nomme Georges. J'aime bien chanter cette chanson qui dit mon nom. Mon nom est Georges. Et tout le monde chante. Il s'appelle Georges. Son nom est Georges. Et il est Georges. Car il se nomme Georges. Il s'appelle Georges. Son nom est Georges. Et il est Georges. Car il se nomme Georges.